Chapitre 13e, 7e nuit. Est-ce le noir de la nuit ou celui de la mort? C'est celui de la nuit. Pourquoi la mort serait-elle noire? Pourtant, on voit dans la nuit comme si c'était le jour, et c'est une balançoire que je pousse et repousse encore. Il y a un petit garçon dessus, et il rit, et c'est bon de l'entendre rire. Le petit garçon demande: pourquoi les grands sont-ils tristes longtemps? Parce que leurs yeux sont fatigués, et ils ne voient plus ce qui les rend heureux. Le petit garçon lance ses jambes en avant vers le ciel bleu. Il me demande de le pousser plus fort pour que ses pieds touchent le soleil, et tant pis s'il se brûle. Il pourra le raconter à sa maman et à son autre maman quand il sera dans son lit et qu'il pensera à elle. Il est heureux. Il vit sur sa balançoire et tout le monde le regarde et l'encourage. Il ne peut pas tomber, il est grand maintenant. Il sait écrire, il sait compter, il reste à la cantine. Il pousse sur ses jambes et sa tête est en arrière, mais elle est légère. Ses yeux neufs respirent le monde, touchent la vie, embrassent le ciel. Et il veut s'envoler avec les oiseaux et chanter avec eux et aller très loin et revenir, et se poser sur les arbres et sur les fils, et battre des ailes et planer. Il ferme les yeux et il vit tout cela. C'est si simple. Un éclair, et ce n'est plus lui, c'est une femme nue qui se balance. Est-elle belle? On ne sait pas. Elle doit être sensuelle car les hommes la regardent. Sa nudité ne la gêne pas, alors que lui ne sait pas bien comment la pousser sans la toucher. Il devrait laisser son équipier le faire. Oui, il le laisse. Et regarde, et la femme monte plus haut dans le ciel, très haut, où lui ne pouvait l'emmener. Elle est heureuse, insouciante, oubliant le chagrin qui coule de ses yeux. Elle regarde au loin, rassurée par ses mains amies qui la poussent, qui la touchent, qui lui promettent tant de choses pour après, quand elle redescendra. Mais elle ne veut pas redescendre. Ce n'est pas facile, lorsqu'on est monté si haut, que l'on a touché le ciel et les étoiles. On a envie d'en conserver un petit peu, quitte à le voler, puisque cela ne manquera à personne. Un éclair, et ce n'est plus elle, mais un gros homme habillé de noir avec un chapeau. Il est lourd à pousser, et ils doivent s'y mettre à deux pour le faire. Il est inerte, les yeux vides, le cœur aussi est gros, sûrement il pèse. Le ciel est devenu gris, envahi de nuages, et la pluie va venir. Il l'attend, il l'espère. Elle ne va rien laver, juste effacer un peu de la noirceur du monde, au moins sur le dessus, pas dans le fond. Ce n'est pas possible. Alors il pourra rentrer chez lui et retrouver l'autre femme qui, elle, ne l'a pas abandonnée, qui n'est pas l'unique, mais qui est belle aussi, qui n'est pas le paradis, mais qui sauve de l'enfer. Un éclair, et la voilà sur la balançoire, cette femme, et le gros homme la pousse. Enfin, on dirait qu'il la pousse, mais il y a d'autres mains pour le faire à sa place. Il a payé pour ça. Il a de quoi payer. Il la regarde. Elle doit être belle. Elle doit être intelligente et distinguée, cultivée et savante. Elle doit être souriante et heureuse. C'est mieux pour lui, et c'est bien pour elle. Elle a choisi cette voie, elle la mérite. Ses cheveux couvrent ses yeux que personne ne voit. De quelle couleur sont-ils? De quelle flamme brûlent-ils? Qu'importe. Ils vont bientôt le regarder. Et il va peut-être revivre un peu, et il va oublier. Enfin, il va essayer. Un éclair et un robot est debout sur la balançoire, raide, solide et grand. Il se cramponne aux cordes comme perdu. Une petite fille le pousse. Où trouve-t-elle la force pour le faire monter si haut? Lui se laisse guider, les yeux fixés sur un point que lui seul peut voir au loin, tout au loin. Il ne la voit pas, mais il sait qu'elle est là, et qu'elle pousse et qu'elle est forte, plus forte que lui. Il a perdu ses forces tout au long de ses vies, de ses combats, de ses errances. Il a moins peur quand elle est là, près de lui, et il sait qu'elle va partir et le laisser seul et qu'il va tomber et tomber encore, jusqu'à se fracasser et exploser. Qui va ramasser les morceaux? Un éclair et un cupidon joufflu se balancent. Il ne se tient pas, il a son arc à la main, mais son carquois est vide. Pas de flèche, aucun espoir. Et il voit l'homme en blanc à qui il a envoyé sa dernière flèche, assis, seul, sur un banc du parc, son cœur dans ses mains. Qui regarde ce cœur sans comprendre pourquoi il bat encore, comment il bat encore et pour combien de temps. Il a un énorme trou dans la poitrine et une flèche plantée au milieu du trou. Comment est-ce possible? Mais le trou n'est pas un trou. C'est le dessin d'un trou et dessous, il y a quelque chose qui bat, un cœur, le cœur. Le vrai, pas le faux qu'il a dans ses mains. Peut-il récupérer cette flèche? Elle n'est pas usée. Elle n'a finalement pas servi de ce côté-là, juste de l'autre côté, dans l'autre cœur, celui qui ne bat plus. Il pourrait s'en resservir sur le chemin, avant d'aller remplir de nouveau ce carquois, lorsqu'il sera descendu de la balançoire. Un éclair, et il pousse son ami. Et c'est bien. Il se sent fort, et il le pousse haut. Il doit viser ce petit nuage tout mignon qui vient d'apparaître dans le ciel et que son ami regarde, comme si c'était son premier nuage, comme si celui-là n'allait pas amener de pluie, comme s'il allait le transporter ailleurs. Il se sent utile, il sait ce qu'il doit faire, et il va le faire pour son ami. Il doit faire attention car il y a beaucoup d'autres nuages autour, de beaux nuages aussi, de formes différentes, de grands nuages, des réserves de pluie, de beaux orages, d'ouragans. Un éclair, et c'est lui qui est sur la balançoire. Qui le pousse? Il monte et il descend sans bouger. À chaque fois qu'il monte, il prend au passage une perle dans un grand sac ouvert pour lui, et elles sont toutes bleues, et ses pochons sont remplis, et ses yeux aussi, et son cœur aussi. Et lorsqu'il arrive en haut, il entre dans le nuage bleu, et il se sent bien, et il se sent beau. Mais voilà, il redescend. Et c'est si long de descendre, bien trop long, et ses poches sont lourdes, et ses yeux sont lourds, et son cœur est lourd. Tout devient bleu, tout devient océan, et il va se noyer. Il ne peut plus bouger, il ne sait plus bouger. Il est un petit poisson qui doit sortir de l'eau pour survivre, et il se sent poussé vers l'air libre, il prend une perle, et elle semble verte. Un éclair, et il a perdu son visage. Il est un corps sans visage. On voit à l'intérieur de sa tête, car il n'y a rien devant. Il est lui, et il est un autre. L'intérieur, c'est lui, ou c'est presque lui. Des feuilles de papier volent autour de lui. Il peut les lire, mais les mots lui font mal. Il serre la perle dans sa main, la perle verte. Peut-être aura-t-il moins mal s'il la serre plus fort. Il se sent entraîné à l'intérieur de lui, comme aspiré. Et il sait qu'il doit résister, qu'il doit en avoir la force, pour ne pas se noyer dans le bleu, dans le rêve absolu. Vite, le verre, vite, le verre. Un éclair, il n'y a plus personne. Où est le suivant? Tout le monde le cherche dans le parc, et surtout le gros homme, avec son arme à la main.